sondern die Botschaft eine Veränderung unserer Träume. Aujourd'hui, l'antenne de notre message est le changement de nos rêves. Amen. Amen. And we can also call it Christ our dream. Wir können es auch Christus unser Traum nennen. Praise the Lord. Halleluja. And we can also call it Christ our dream. Wir können es auch Christus unseren Traum nennen. Ah, ja, sorry. I will translate. Okay. Wir können das auch Christus unser Traum nennen. Wir können uns auch on peut aussi l'appeler le Christ notre rêve. Praise the Lord. Hallelujah. And we can also call it the new dream. Wir können es auch den neuen Traum nennen. On peut aussi l'appeler le nouveau rêve. Amen. Amen. We can also call it what heaven called dream. Wir können es auch das nennen, was der Himmel Traum nennt. On peut aussi l'appeler ce que le royaume des cieux l'appelle un rêve. Ouais. Praise the Lord. Amen. Amen. What heaven called dreams. Was der Himmel Traum nennt. Ce que le royaume des cieux appelle un rêve. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And we must know that the old and the new are different. Wir müssen wissen, dass das Alte und das Neue unterschiedlich ist. On doit savoir qu'il y a une différence entre l'ancien et le nouveau. Amen. Amen. There was the period of the father. Es gab die Zeit des Vaters. Il y a eu le temps du père. There was the period of the son. Die Zeit des Sohnes. Il y a aussi eu le temps du fils. And this period of the son was 3.5 years. 33.5 years. Die Zeit des Sohnes war 33.5 Jahre. Et la période, le temps du fils a été à peu près 33 ans et demi. And now the period of the Holy Spirit. Und jetzt sind wir in der Zeit des Heiligen Geistes. Et maintenant nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Amen. Amen. And there was a period before the fall. Es gab eine Zeit vor dem Fall. Il y a eu un temps avant la chute de l'homme. I hope you know the meaning of before the fall. Ich hoffe, ihr kennt die Bedeutung von vor dem Sündenfall. J'espère que vous connaissez la signification de avant la chute de l'homme. Before the fall means before, you know, Adam rebelled against God. He disobeyed God. Vor dem Sündenfall bedeutet, als Adam gegen Gott rebelliert hat, Gott missachtet hat. Donc, quand on parle du temps avant la chute de l'homme, on parle du temps avant... Donc, on parle du temps avant la chute de l'homme, c'est avant que Adam s'est rebellé contre l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Before the fall, we are to know what it is. Mm-hmm. Before the fall means before Adam fell. Vor dem Sündenfall heißt, bevor Adam gefallen ist. Donc quand on parle de la chute de l'homme, on parle du temps. Donc quand on parle d'avant la chute de l'homme, c'est quand Adam est encore dans la présence de Dieu. Before Adam disobeyed God. Bevor Adam Gott missachtet hat. Avant que Adam a désobéi à l'Éternel. And you can see that sin was just singular sin and not plural sin. Und diese Sünde war eine einzelne Sünde und keine mehrfache Sünde. Et on peut voir que c'était seulement un péché, pas plusieurs. Amen. Amen. He said, "Don't eat the fruit." Er hat gesagt, wir sollen nicht von der Frucht essen. Parce que l'Éternel a ordonné à Adam de pas manger de ce fruit. If you eat the fruit, I will make sure you die. Wenn du von der Frucht isst, werde ich sicherstellen, dass du stirbst. Let's go to Genesis 1. Genesis, please. 1. Mose. Genesis 2. Genèse. 1. Mose 2. Genèse 2. Praise the Lord. Alléluia. Vers 16 und 17. 1. Mose 2, 16 und 17. Genèse 2, versets 16 et 17. Are we there, please? Praise the Lord. Amen. And the Lord God commanded the man, saying, "Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Mm. It means I will make sure you die. Gott sagt hier, ich werde sicherstellen, dass ihr stirbt. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ça veut dire que Dieu lui a dit que c'est sûr et certes que tu vas mourir si tu manges de ce fruit. C'est lui qui va... c'est lui qui va le faire. On peut dire. Voilà. Donc je t'assure que tu vas mourir. Amen. Amen. And we can see it here that is the Lord, is God, the true God that is speaking here. Es ist der wahrhaftige he Gott, spoke der hier here, not Satan. Er spricht hier und nicht Satan. On peut voir que c'est Dieu Tout-Puissant lui-même qui parle. C'est pas le diable qui parle, c'est Dieu qui parle ici. And the first time death is mentioned. Und erstmal wird der Tod erwähnt in der Bibel. Et c'est la première fois que Dieu parle de la mort ici dans la Bible. And you can see that the Lord introduced death to man. Und ihr seht, dass der Herr den Menschen den Tod vorgestellt hat. Et on peut voir que c'est l'Éternel lui-même qui a présenté la mort à l'être humain. And not Satan introducing death to man. Und nicht der Satan, der den Menschen den Tod vorstellt. Et pas le diable. Amen. Mm-hmm. It means God Himself created death. Es heißt, Gott selbst hat den Tod erschaffen. Donc, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a créé la mort. Amen. Mm-hmm. You know, this is man. Das ist der Mensch. This is God. Das ist Gott. And this is death. Und das ist der Tod. On peut voir qu'il y a l'homme. L'être humain. Il y a l'être humain. Non. Il y a Dieu et il y a la mort. Or you can say this is God. Well, this is man. And then this is death. Mm. Ouais, donc il y a l'homme, il y a la mort et il y a Dieu. And God created man and he also created this death. Mm. Und Gott hat den Menschen erschaffen, hat aber auch den Tod erschaffen. Et Dieu a créé l'être humain et mais il a aussi créé la mort. He created death powerless. Er hat aber den Tod kraftlos erschaffen. Mais il a créé la mort sans puissance. Death has no power to kill. Der Tod hat keine Kraft, um zu töten. La mort, comme telle, n'a pas la puissance de tuer. But you know, God said to Adam, if you disobey me, your disobedience will become sin, will be called sin, and it will give death power to kill you. Aber er hat zu Adam gesagt, wenn du mich missachtest, wird deine Missachtung zur Sünde, und diese Sünde wird dem Tod die Kraft geben, dich zu zerstören. Mais Dieu a dit à l'homme, à Adam, que si tu me désobéis, c'est un péché. Et ce péché va donner la puissance à la mort de te tuer. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. You know, Adam disobeyed God. Adam a Gott missachtet. According to the Bible. Gemäß der Bibel. Donc la Bible nous fait voir que Adam a désobéi à Dieu. And God never lie. Und Gott lügt nicht. Et Dieu ne ment jamais. And Adam died. Und Adam ist wirklich gestorben, weil er Gott missachtet hat. Et Adam est mort parce qu'il a désobéi à Dieu. But he was still here on earth. Aber er war noch hier auf Erden. Mais il a toujours été ici sur terre. For years upon years. Jahre über Jahre. Pendant des années. What called dead was still here on earth. Was als tot bezeichnet wurde, war immer noch auf Erden, ein toter Mensch. Il était déjà mort ici sur terre, malgré qu'il était encore vivant sur terre. He was even giving birth to children. Er hat sogar sich fortgepflanzt, hat sogar Kinder gezeugt. Il a même eu des enfants. Amen. Amen. A dead man giving birth. Ein toter Mensch, der Kinder bekommt. Un homme mort qui a donné la vie. Entre parenthèses, entre guillemets. Praise the Lord. À les enfants. Yeah, everywhere today. Überall. Et ces gens, on les trouve partout ici sur Terre aujourd'hui. And that's why without Christ, you are a dead man. Deswegen ohne Christus bist du ein toter Mensch. C'est la raison pour laquelle que tu es mort sans le Christ. You might be a professor, you might be whatever you are. Once without Christ Jesus, that spirit of Christ inside you, the spirit of Christ come inside you and live inside you. Like dead man. Ohne Christus Jesus. Before bist Gott. Du ein toter Mensch, weil wenn Christus Jesus nicht in dich hineinkommt und in dir lebt, wenn das Leben selbst nicht in dich hineinkommt und in dir lebt, bist du nicht am Leben, bist du tot. Parce que sans Jésus-Christ, tu es un homme mort. Si Jésus-Christ lui-même n'est pas en toi, peu importe ton statut, peu importe ton diplôme ou quoi que ce soit, tu es un homme mort parce que c'est Dieu qui donne la vie. Et si cette vie n'est pas en toi, tu es mort. It means it's not what man called death. Or what God called death is what man called death. Das heißt, das, was der Mensch tot nennt, ist nicht das, was Gott tot nennt. Ja, different. On peut voir que le monde et Dieu ont deux différentes définitions de la mort. Amen. It means there are different types of death. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Tod. Ja, il y a des morts différentes. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And we know that what man called death is when the body is when the body dies. Wir wissen, dass das, was der Mensch tut, not the spirit, ist, wenn der Körper spirit never dies. Stirbt, aber nicht der Geist, weil der Geist stirbt niemals. La mort selon l'être humain est quand nos corps sont morts, mais l'esprit ne meurt jamais. You know, the non pas la mort God. De l'esprit, parce que l'esprit ne meurt jamais. Mais le seul vrai bon Dieu. Did never call the separation of the spirit and the body. Death. Hat die Trennung von Körper und Geist nie tot genannt. Mais l'Éternel Dieu n'a jamais appelé la séparation de corps et âme, non, de corps et esprit, la mort. What he called death is when he is no longer living inside you. Was er tot nennt, ist wenn er nicht mehr in dir lebt. C'est que lui l'appelle la mort, c'est quand lui ne vit pas en toi. Amen. Amen. When the spirit of Christ is no longer on the inside of you. Wenn der Geist Gottes nicht mehr in dir lebt. Quand l'esprit de Dieu n'est plus en toi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. And now back to our message. A change of dream. Jetzt zurück zu unserer Botschaft, eine Veränderung unserer Träume. On commence avec notre message maintenant, un changement de nos rêves. Amen. Amen. The old and the new are two different things. Das Alte und das Neue sind unterschiedlich. L'ancien et le nouveau sont deux choses différentes. The old dreams and the new dreams are not the same. Die alten Träume und die neuen Träume sind nicht gleich. Les anciens rêves et les nouveaux rêves sont différents. Amen. The old is like the Old Testament and the New Testament. Wie das Alte Testament und das Neue Testament sind nicht gleich. Comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont différents. The old covenant and the new are not the same. Und das Neue ist nicht gleich. Comme l'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont différentes. They are parallelized. Sie sind unterschiedliche Linien, parallele Linien. On peut comparer ça à des lignes parallèles. And they can never meet. Sie können sich niemals treffen. Qui peuvent jamais se croiser. Even Jesus himself called it old wine and new wine. Selbst, you cannot mix them together. Hat es alten und neuen Wein genannt. Man kann es nicht vermischen. Jésus-Christ lui-même a dit que tu peux pas mélanger l'ancien vin et le nouveau vin. Amen. Amen. You know, churches everywhere, they mix them together today. Aber Kirchen heutzutage vermischen den alten und den neuen Wein. On peut voir que les églises aujourd'hui sont en train de mélanger l'ancien et le nouveau vin. Amen. Amen. The old can never save you. The Aber old Testament. Das Alte kann ich niemals retten, das Alte Testament. Mais l'ancien vin, l'ancien testament peut jamais te sauver. It's the new that is salvation. Es ist das Neue, was Rettung bedeutet. C'est le nouveau testament, c'est la nouvelle alliance qui est égal au salut. And mixing them together can never save you. Und es zu vermischen kann ich niemals retten. Mais mélanger les deux va jamais te sauver. Only Jesus can save. Nous, Jésus can retenir. Seulement Jésus-Christ peut sauver. Amen. Amen. Also the circumcision, the old circumcision and the new are not the same. Die alte Beschneidung und die neue Beschneidung sind auch nicht gleich. L'ancienne circoncision et la nouvelle circoncision sont aussi différentes. Are you getting it? The old was of the body, the flesh. Das alte war vom Körper. L'ancienne circoncision était celle du corps. Amen. If you go to the book of Hebrew, You see the oath, the covenant, the oath, circumcision, the order. Amen. Amen. Praise the Lord. Wir werden das in das Alte Testament gehen, sehen wir, wie das alte Bündnis die Beschneidung erklärt hat. Dans l'Ancien Testament, on peut voir comment ce qui veut dire la circoncision dans l'Ancien Testament. Amen. The old circumcision was the circumcision of the body. The new is the circumcision of the heart. Die alte war die Beschneidung des Körpers, aber die neue ist die Beschneidung am Herzen. Dans l'ancienne circoncision était la circoncision du corps, mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, il s'agit de la circoncision du cœur. Amen. I really want this message to finish today. If not, we'll go into them one after the other. Amen. Amen. Praise the Lord. Ich möchte, dass diese Botschaft heute wirklich zu Ende geht, sonst würden wir uns alle einzelnen Punkte angucken. J'espère vraiment finir avec ce message aujourd'hui. Amen. Amen. The old fasting and the new fasting are not the same. Das alte Fasten und das neue Fasten sind nicht gleich. L'ancien jeûne et le nouveau jeûne sont pas les mêmes. Amen. Amen. The old has been about you don't eat. Das alte war no food. Über du. You live full for some time. Du verzichtest auf bestimmte Nahrungsmittel, Speisen. Dans l'ancien jeûne, tu te privé de nourriture, tu mangeais pas du tout. Amen. Mm-hmm. The new is the second, you know, the fasting of your belief, doubt and fear. Aber das neue ist das Fasten über dein Unglauben, Zweifel und Ängste. Mais dans le nouveau jeûne, tu es en train de jeûner ton incroyance, ta peur. Et tes doutes. Ouais. The old prophecy and the new are not the same. Die alte Prophezeiung und die neue Prophezeiungen sind nicht gleich. Tout comme les prophéties sont pas comparables, sont pas les mêmes. Amen. Amen. If you see some churches today, a lot of churches today still the old prophecy, telling people vision. Wenn du dir einige Gemeinden anschaust, viele Gemeinden anschaust, geht es ihnen immer noch um die alte Prophezeiung, um ihnen Dinge weiß zu sagen, zu sagen, wie dein Bankkonto heißt, yeah, oder wie. Somebody is going to kill you. Somebody is fighting. Going to wollen dir offenbaren, wer der Feind deiner Familie ist seit Jahren oder sonstige Sachen. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il s'agit toujours de l'ancienne prophétie. Donc, ils vont te dire qui tu vas marier, qui tu veux du mal, qui veut ta mort, quand tu vas mourir ou les trucs comme ça. The new prophecy is the good news. Christ's message. Aber die neue Prophezeiung ist die gute Nachricht. Die Nachricht von Christus. Amen. Mais la nouvelle prophétie est l'évangile et le message du Christ. Amen. Amen. The new prophecy is the truth. Die neue Prophezeiung ist die Wahrheit. La nouvelle prophétie est la vérité. That Jesus said, if we know it, we'll be free. Wenn der Jesus spricht, dass wenn wir diese kennen, werden wir frei sein. Dans laquelle Jésus-Christ nous dit que si on la connaît, on sera vraiment libre. Amen. Amen. So also is the old testimony and the new are not the same. Und das neue Zeugnis ist auch nicht gleich. Tout comme les témoignages sont différents. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. The book of Luke, you know, when they were rejoicing because Satan obeyed them. Mm-hmm. And the Lord said, your joy should be that your names are written in heaven. That's just an example. Mm-hmm. Amen. Can see the different testimony. Mm-hmm. Our testimony today is we are God's children. Amen. Amen. Amen. And we still believe on him. Yes. And trust him. Amen. Und auch damals, Jesus Christus sagt zu ihnen, dass als sie freudig zurückgekommen sind und gesagt haben, dass Dämonen ihnen gehorchen, dass sie Dämonen austreiben konnten, hat Jesus gesagt, lasst nicht zu, dass das eure Freude ist, sondern eure Freude sollte vielmehr sein, dass euer Name im Buch des Himmels geschrieben steht. Und das sollte auch unsere Freude sein, dass wir zu Christus Jesus gehören und noch immer an ihn festhalten. Dans Luc, on peut voir que quand les disciples sont revenus et ils ont témoigné à Jésus-Christ que même les démons leur ont obéi, et Jésus-Christ leur a répondu que ça ne doit pas être leur raison de se réjouir. leur raison pour la joie est que leurs livres sont, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ça la raison pour laquelle on doit se réjouir. C'est ça notre testament aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. And the old, are we finished, please? Yes. Mm-hmm. And the old comforter and the new comforter are not the same. Mm-hmm. Und der alte or Beistand. The new helper, the old helper and the new helper are not the same. Der alte Beistand oder Helfer und der neue Beistand und Helfer sind auch nicht gleich. Mm. Et notre ancien assistant et le nouveau assistant sont pas les mêmes. Praise the Lord. Hallelujah. In Genesis 2 verse 18. In 1 Moses 2:18. Dans Genèse 2:18. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. And help me. And helper. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. A helpmeet. Eine Helferin. A helper. Eine Gehilfin. Une aide. We don't need man as our helper. Wir brauchen nicht den Menschen als unseren Gehilfen. Normal. Wir brauchen nicht den Menschen als unseren Gehilfen. On n'a pas besoin de l'être humain comme aide. Amen. Mm-hmm. Today we have the Holy Spirit as our helper. Heute haben wir den Heiligen Geist als unseren Helfer. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit comme notre aide. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So also is the old thought. So sind auch die alten and the new are not the same. Und die neuen Gedanken sind nicht gleich. La même chose aussi avec les pensées. Les pensées dans l'Ancien Testament et dans notre temps aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Amen. All our thoughts, the old and the new, should not be the same. All unsere Gedanken, die alten und die neuen, sollten nicht gleich sein. Donc toutes nos pensées, donc les anciennes pensées, nos nouveaux pensées doivent pas être les mêmes. The old as a German citizen and the new as the citizen of the kingdom of heaven. Die alten Gedanken als ein deutscher Staatsbürger und die neuen Gedanken als ein Bürger des Himmels. Nos anciennes pensées en tant que citoyen de l'Allemagne, par exemple, et nos nouvelles pensées en tant que citoyen du Royaume des Cieux. Praise the Lord. Hallelujah. The old vision and the new are not the same also. Die alte Vision und die neue Vision sind auch nicht gleich. L'ancienne vision et la nouvelle vision sont pas non plus comparables. And also the old father and the new father. Auch der alte Vater und der neue Vater sind auch nicht gleich. Tout comme l'ancien père et le nouveau père sont. Remember, Abraham was once our father. Erinnert euch, Abraham war einst unser Vater. Il fut un temps où Abraham était notre père. We now have Christ as our father. Wir haben jetzt Christus als unseren Vater. Mais aujourd'hui on a le Christ comme notre père. So also is the old prayer and the new. They are not the same. Alte Gebet und das neue Gebet. L'ancienne prière et la nouvelle prière sont pas les mêmes. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The old was the servant asking or begging to have things. Das alte war der Knecht, der Gott anbettelt um Versorgung und Hilfe und Beistand. Ouais. Dans l'ancienne prière, c'était l'homme ou plutôt le servant qui suppliait son maître pour avoir certaines choses. Amen. Amen. The new is a son and a father relationship. Aber der neue. What belongs to the father belongs to the son. Ist eine Vater-Sohn-Beziehung, wo das, was dem Vater gehört, auch dem Sohn gehört. Und deswegen gibt es kein Betteln und kein Flehen. Mais dans nos prières, dans la nouvelle prière, il s'agit d'une relation entre père et fils ou les propriétés, les biens du père appartiennent automatiquement aussi au fils. The old worship and the new worship are not the same. Der alte Lobpreis und der neue Lobpreis nicht gleich. Let's go to John 4, please. John 4. Johannes 4. Jean 4. Aussi, l'ancienne louange n'est pas comparable à la nouvelle louange. Praise the Lord. Amen. John 4 from verse 20. Johannes 4 from 20. Jean 4, verset 20. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Are we there, please? Our Father worship in this mountain. a woman. Amen. Mm-hmm. And you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. You get it? Mm-hmm. Can see the old worship. Amen. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Ihr seht die alte Anbetung. Johannes 4, Vers 20. Ok, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Amen. Amen. Verse 21, please. Verset 21. Jesus said unto her, woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The old worship and the new worship are two different worships. Die alte Anbetung, die neue Anbetung sind nicht gleich. They're like day and night. Wie Tag und Nacht. L'ancienne louange, l'ancienne adoration et la nouvelle sont complètement différentes, sont même opposées. Jean 4, verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. » Verset 22. « Il dit, you worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. It's not talking about the Jews in the flesh. Es geht nicht um die Juden im Fleisch. Ici, il ne s'agit pas des Juifs naturels. Amen. Mm. But Jews through Christ Jesus. Aber die Juden durch Christus Jesus. Mais on parle des Juifs à travers Jésus-Christ lui-même. Amen. We don't have time to go to that today. Amen. Amen. We go forward. Verse 23, please. Verset 23. But the hour cometh, and now is, said Jesus, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Amen. And not in flesh. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. On a lu 23 et 24. The old was of the flesh. Das alte war vom Fleisch. Dans le sein, il s'agissait de la chair. Amen. Mm-hmm. Jérusalem. Amen. Jérusalem, par exemple, la montagne. Praise the Lord. Alléluia. You can see the old. Is it as old? It's not. You can, you know, the praise the Lord. Alléluia. Jesus said, the time is coming when no one will go to any mountain to worship him. Mm-hmm. Or any Jerusalem to worship him. Mm-hmm. Amen. Er sagt, es kommt eine Zeit, wo Anbetung. That period is this period. Nicht von einem geografischen Ort abhängig ist, sondern von deinem Geist sozusagen, sondern von deiner Seele abhängig ist. Wo es nicht darum geht, ob du auf einem Berg oder in Jerusalem bist, sondern ob es wahrhaftig ist in seiner Wahrheit. Amen. Jésus-Christ, on a dit que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit, en vérité. Et donc, c'est plus lié à un endroit, donc c'est plus lié à la montagne ou à Jérusalem. Amen. Amen. The old was of the flesh. Das alte war vom Fleisch. Was all about beauty. Da ging es um ein Gebäude. Dans l'ancienne alliance, il s'agit toujours de l'église, d'un immeuble ou de la montagne, par exemple. Amen. Amen. It was all about places outside. Es ging um Orte draußen. Il s'agissait toujours d'un endroit. It's about the new is now the spirit. Aber das Neue ist jetzt der Geist. Mais dans le nouveau, il s'agit de l'esprit. So also is the old and the new temple. Und so ist auch das Alte und das Neue. Et ça nous mène aussi directement à la comparaison de l'ancien temple et du nouveau temple. Amen. The old temple was the building. It's just a building. They build a building and they have the temple. Mm-hmm. But the new temple, the Lord said, your body is my temple. Und auch der alte Tempel und der neue Tempel. Das alte Tempel war ein Gebäude aus Stein, aber das der neue Tempel ist jetzt unser Körper, in dem er lebt. Amen. Amen. Et l'ancien temple était un immeuble, était une synagogue par exemple. Mais aujourd'hui, le nouveau temple est notre corps. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why the old you and the new you are not the same. Deswegen ist deine alte Identität und deine neue Identität sind nicht gleich. Amen. C'est pour ça tu as ton ancienne identité et ta nouvelle identité maintenant. Amen. The old you have been the old man, the dead man, the flesh. The new you is life and spirit. Amen. Deine alte Identität war das Fleisch, war der tote Mensch. Aber deine neue Identität ist Christus Jesus und lebendig. Ton ancienne identité était était ta chair, était ton corps, était l'homme mort, mais ta nouvelle identité est maintenant esprit et vie. The old commandment and the new commandment are not the same. Genauso wie das alte Gebot und das neue Gebot auch nicht gleich sind. Les tout comme les anciens commandements et le nouveau commandement ne sont pas pareils. Marcus 10. Mark 10. Praise the Lord. Mark 10. Amen. Amen. Mark 10 from verse 17. Mark 10 from verse 17. Mark 10, verse 17. Praise the Lord. Amen. And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is no good but one, that is God. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19. Verse 19. Thou knowest the commandment. Can see the old commandment. Is it the old commandment? Thou knowest the commandment. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. The fraud is all about you. You don't do, you don't do, you don't do. Es geht Amen. Die ganze Zeit um dich. Du sollst dies und jenes nicht tun. Das ist alles ein Bündnis. Dans les anciens commandements, il s'agit toujours de tes actes. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. That's the old commandment. Das ist das alte Gebot. Ça, ce sont les anciens commandements. Then let's go to the new commandment. Es geht jetzt zum neuen Gebot. Out of Christ Jesus. Das Gebot von Christus Jesus. Maintenant, on va voir le nouveau commandement, le commandement de Jésus-Christ. 1 John 3, please. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Consider that man. He said he obeyed all, but he was not still free. Dieser Mensch hat alles befolgt, aber er war nicht frei. On va lire 1 Jean 3. 1 John 3. 1 Johannes 3. First from verse 22. 22. Bis zum Ende. De vers, à partir de 22 jusqu'à la fin. Look at Christ's commandment. Schaut euch das Gebot von Christus Jesus an. Praise the Lord. Amen. And we have to know the difference between all. Wir müssen den Unterschied Amen. Kennen zwischen allen. On doit connaître la différence entre les anciens et les nouveaux commandements. You can see why churches are not working today. Ihr seht, deshalb Gemeinden nicht funktionieren. Because everything they all missed you. Weil sie das Alte und das Neue vermischen. Et on peut voir pourquoi les églises aujourd'hui ne fonctionnent pas, parce qu'elles sont en train de mélanger les deux. Amen. Amen. Once you leave Egypt, Egypt should be dead and buried. Wenn du Ägypten verlässt, sollte Ägypten tot und begraben sein für dich. Parce que si tu quittes l'Égypte, tu dois réellement la quitter, elle doit être morte et enterrée pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 22, Verset 22. And whatsoever we ask, we receive of him because we keep his commandment. The commandment of Christ Jesus. Das Gebot von Christus Jesus. Le commandement de Jésus Christ. And do those things that are pleasing in his sight. And this is his commandment, verse 23. Verset 23. Ceci est son commandement. That we should believe on the name of his Son, Jesus Christ, and love one another as he gave us commandment. You see the commandment of Christ Jesus. Est-ce que vous pouvez voir le commandement de Jésus-Christ? Amen. Il est si court. Amen. Amen. Then in verse 24, it said, And he that keepeth his commandment dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abided in us by the Spirit which he had given us. Praise the Lord. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il ne demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. Amen. Praise the Lord. Amen. You can see the oath. It was all about you. Seht das alte you do. Bündnis. You don't do. Da geht's um It's all about you. Was du tust, was du nicht tust. On peut voir que dans l'ancien commandement, dans les anciens commandements, il s'agissait toujours de tes actes, de ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. The new is about Christ Jesus. Das Neue ist über Christus Jesus, sein fertiges Werk. Mais dans le nouveau commandement, il s'agit de Jésus-Christ et de son œuvre accomplie. It's a Amen. Amen. It's a believe On croit Jesus. Tu dois à Christus Jesus glauben, das ist alles, das ist das neue Gebot. On doit croire en Jésus Christ, c'est ça le nouveau commandement. Praise the Lord. Alléluia. And love one another with God kind of love. And love with the love of this world. Der Liebe Gottes und nicht der Liebe dieser Welt. Et on doit s'aimer les uns les autres avec l'amour de Dieu et pas avec l'amour de ce monde. Amen. Amen. Without Christ Jesus, you cannot love his love. Denn ohne Christus Jesus kannst du seine Liebe nicht weitergeben. Parce que sans Jésus-Christ lui-même, tu n'es pas capable à partager son amour. Amen. Amen. The old law and the new law are not the same. Das Go to Romans 8. Romans 8. Romans 8. Römer 8. Praise the Lord. Amen. Romans 8. Amen. L'ancien commandement et le nouveau commandement ne sont pas les mêmes. Romans 8, 1 and 2. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8, 1 and 2. Are we there? Mm. Amen. Mm-hmm. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the spirit. Mm. Their spirit family. Wir sind eine geistliche Familie. Nous sommes une famille spirituelle. Amen. Mm-hmm. Then in verse 2, it says, for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Amen. Two laws. It talks about two laws. Zwei Gesetze, two laws, yeah. Von denen hier gesprochen wird. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. On peut voir qu'il y a deux lois ici. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. You know, praise the Lord. Hallelujah. We read Mark 10, where Jesus told the man, he said, thou shalt not. And we also went to 1 John. And we read where Jesus revealed his commandment to us. Yeah. Christ's commandment freed us from Mark 10. Amen. Und wir haben in Markus 10 gesehen, wie Jesus mit diesem reichen Jüngling umgegangen ist und ihm gesagt hat, er soll jenes und dieses nicht tun, nach dem Gesetz von Mose sozusagen. Aber in 1. Johannes haben wir dann gesehen, dass das neue Gebot sozusagen, was Christus Jesus uns gegeben hat, uns freigemacht hat von dem Gebot von Mose, freigemacht hat von dem Gebot, was er in Markus 10 dem reichen Jüngling mitgeteilt hat. On peut voir que dans Mark 10, Jésus Christ, quand il parlait au jeune homme riche, les anciens commandements. Mais dans 1 Jean 3, Jésus-Christ nous a montré le nouveau commandement. Et on peut voir que les nouveaux commandements ont remplacé ou ont plutôt libéré les anciens commandements. Praise the Lord. Hallelujah. You can see here, the Bible talks about two laws. Die Bibel spricht hier über zwei Gesetze. Ici, on peut voir que la Bible nous parle de deux lois. The law of spirit of Christ Jesus and the law of sin and death. Das Gesetz von Jesus Christus, von Geist und Leben und das Gesetz der Sünde und des Todes. On peut voir la loi de Jésus-Christ, la loi de l'esprit et de la vie en Jésus-Christ, et on peut voir l'autre loi, la loi du péché et de la mort. Let's go to Romans 3, please. Romains 3, bitte. Romains 3. Romans 3, verse 27. Römer 3, Vers 27. Verset 27. Praise the Lord. Alléluia. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. Two laws. Zwei Gesetze. The old and the new. Das neue, das alte und das neue. Das sind zwei Gesetze, unterschiedliche Gesetze. L'ancienne loi et la nouvelle loi sont deux lois différentes. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. It's a law of work. law of what me what you do. Das Gesetz der Werke bedeutet das Gesetz der Dinge, die du tust, deiner Werke. La loi des œuvres est donc la loi de tes actes, de tes œuvres. Amen. What you do for God, what you do for people, and what you do for yourself. Was du für Gott tust, was du für Menschen tust, was du für dich selbst tust. Das ist das Gesetz des Werkes, deiner Werke. Donc, la loi des œuvres est donc la loi de tes actes envers ton prochain, envers Dieu ou envers toi-même. Amen. The law of faith is depending on the finished work of Christ. Aber das Gesetz des Glaubens. The law of Christ Jesus did all. Verlässt sich auf das fertige Werk von Christus Jesus, was alles schon vollbracht hat und erfüllt hat. Mais la loi de la foi est basée sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. You know, the law of what? Religious people, they love it so much. Das Gesetz der Werke, religiöse Menschen lieben dieses Gesetz. Und sind Experten darin. Mais les hommes religieux, ils aiment, ils préfèrent la loi des œuvres. Amen. You know, they are always after doing something for God. Weil sind immer dahinter, aber er braucht deine Hilfe nicht. Donc, parce que pour eux, il s'agit toujours de faire quelque chose pour l'Éternel. Mais on doit être conscient que l'Éternel n'a pas besoin de notre aide. He gave you a helper, and that helper is the Holy Spirit, is himself. He is your helper. Ist der Heilige Geist, ist er selbst, er ist dein Helfer. Il nous a donné une aide, et cette aide est le Saint-Esprit, donc cette aide est lui-même. You know, religious people, they are after, you know, they are experts in the law of work. What this world called good. Religiöse Menschen sind Experten good people. Hinter dem, wenn es um das Gesetz der Werke geht, hinter dem, was Menschen gut nennen. Donc, ils sont experts dans les lois des œuvres. Donc, pour eux, il s'agit toujours des bienfaits de ce monde. Donc, aider ton prochain, mais tout ça sans Jésus-Christ. Amen. Amen. People try to do what this world calls good. Leute versuchen das zu tun, was diese Welt gut nennt. Ils essayent d'être bon, mais selon la définition de ce monde. Amen. Amen. Some doctors will just leave their job here in Europe. They go to Africa and be helping people. Beispielsweise, and they call it good. Ärzte, ihr ganzes Leben jetzt zurücklassen und dann nach Afrika gehen, um dort Menschen zu helfen. Und sie nennen das gut, aber ohne Christus Jesus ist das nicht gut. Les médecins sans frontières, par exemple. Un médecin ici va quitter sa maison, sa famille, peut-être partir en Afrique pour aider les gens là-bas. Mais si tu le fais sans Jésus-Christ, ça, ce n'est pas bon. Amen. Amen. You know, adopted children to give them what this world called good life. Is evil. Das gleiche gilt auch für Kinder adoptieren. Kinder adoptieren, um ihnen ein besseres Leben oder ein gutes Leben zu bescheren. Aber ohne Jesus Christus ist das auch bösartig. Ou alors des gens qui adoptent des enfants, des orphelins, s'ils le font sans Jésus-Christ, ça non plus, c'est pas quelque chose de bon. Amen. Amen. Feeding the poor, giving them money, clothes, building schools for them, even building churches. What religion call church for them? Selbst Schulen, Krankenhäusern, Kirchen, all das bauen, es ist bösartig ohne Christus Jesus. Même construire des hôpitaux, construire des écoles, mais si tout ça est fait sans Jésus-Christ, ce n'est pas bon. Même construire même une église. Let's go to 1 Corinthians 13. 1. Korinther 13. Talks about what kind of love. Da geht es um Gottes Liebe. 1 Corinthiens 13. Là, il s'agit de l'amour de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Be there for people. It's you that is being there for people. Allow Christ to be there for them. Allow Christ to be praised and not you. Du für Leute da bist, wirst du gefeiert, aber lass zu, dass Christus gefeiert wird und nicht du. Si par exemple toi tu aides une personne, cette personne va être reconnaissante envers ta personne, mais on doit permettre que Jésus-Christ soit loué, soit glorifié dans tes actes. Praise the Lord. Verset 3. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, I have not charity, God kind of love. What Christ call love. What Christ, in that Christ is praised, be praised and not you. it profited you nothing. Und wenn ich alle meine Habe aufteile und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, die Liebe von Jesus Christus, so nützt es mir nichts, weil es nur um dich geht. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, et là on parle de la charité de Jésus-Christ, cela ne me sert de rien. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Allow Christ to be praised, please. Lass zu, dass Christus gefeiert wird. Permet que Jésus-Christ lui-même soit glorifié. Amen. Allow him to be there for the people. Lass zu, dass er für die Leute da ist. Permet qu'il soit là pour les gens. Praise the Lord. Amen. Amen. If you are there for them, how can he be there for them? Wenn du für sie da bist, wie kann er dann für sie da sein? Si toi tu es là pour les gens, pour le, comment Jésus-Christ peut être là pour les gens? We know that he is going to send somebody to be there for them. Ich weiß, dass er jemanden schicken wird, um für sie da zu sein. Je sais qu'il va envoyer quelqu'un qui va être là pour eux. Amen. Amen. But you that is there for them, is aber it about you? Der für sie da ist. About Christ. Geht es dich oder geht es Christus Jesus? Mais toi, quand tu es là pour ces personnes, est-ce qu'il s'agit de toi ou du Christ? Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Allow Christ to be praised. Lass zu, dass Christus gefeiert wird. Permet que Jésus-Christ soit glorifié. And not man. Und nicht der Mensch. Et pas l'homme. Amen. Amen. If you are being praised, it's Satan that is being praised. Wenn du gefeiert wirst, ist es der Satan, der gefeiert wird. Parce que si ta chair est glorifiée, si toi t'es glorifié, ça veut dire que le diable est glorifié. Christ Jesus. Das bedeutet, du bist gegen Christus Jesus. Ça veut dire que tu es contre, tu es opposé à Jésus-Christ. Amen. Allow it to be Christ alone. Lass zu, dass Christus allein ist. Permet qu'il s'agisse seulement du Christ. Amen. Amen. Let's quickly go through the law of faith. Das Gesetz, Galatians 2, please. Go to Galatians 2. Galates 2, on va vite fait parler praise de la loi de la foi. Galatians 2, Galates 2, verse 19 and 20. 19 and 20. Galates 2, 19 and 20. Versets 19 et 20. For I, through the law, am dead to the law, that I might live unto God. Amen. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Amen. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I live by the faith of Christ Jesus. Ich lebe durch den Glauben von Christus Jesus. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. I live by the faith of Christ Jesus. Ich glaube, and not of the faith of man. Durch den Glauben von Christus Jesus und nicht der Glaube von Menschen. Je vis dans la foi au Fils de Dieu et pas dans la foi de l'être humain. Praise the Lord. Amen. Again, Romans 8 talks about two laws. In Römer 8 geht es zwei Gesetze. Encore une fois, dans Romains 8, il s'agit de deux lois. He called one freedom and the other one bondage. Eins ist der Freiheit und das andere ist der Gefangenschaft. Une loi, il a appelé la liberté et l'autre la captivité. Praise the Lord. Amen. You know, he said we are free. Without him, you can never be free from the other. Go back there, please. Er sagt, wir sind frei und ohne ihn können wir niemals frei sein von dem einen Gesetz. Il a dit que nous sommes libres. Et mais sans lui, on ne peut pas être libéré de l'ancienne loi qui est la captivité. Romains 8, encore une fois, verset 2. It says, for the law of the spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. Praise the Lord. Hallelujah. I need Christ Jesus to be free from the other. Ich brauche Christus. Without him, I can never be free. Um frei zu sein von dem Eingesetzt, denn ohne ihn kann ich nicht frei werden. J'ai besoin de Jésus Christ pour être libéré de l'ancienne loi, parce que sans lui, nous sommes pas capables d'être libérés de ça. Praise the Lord. Hallelujah. If you read here, you can see that the Lord God, Jesus did not say, I came here to cancel the law. Jesus hat nicht gesagt, he did not come to cancel it, das Gesetz but to free us from it, because the law is still there. Bin ich gekommen, das Gesetz zu zerstören, aufzuheben, sozusagen, sondern ich bin hier, um es zu erfüllen. Jésus-Christ est venu ici sur terre pour accomplir la loi, pas pour la... pas pour... l'effacer complètement, non. Ouais. Amen. Mm-hmm. He did not come to destroy the old law. Er kam schon das alte, um die alten Gesetze zu zerstören. Il n'est pas venu pour détruire les anciens, comme on en... but to free us from it. Aber um uns davon frei zu machen. Matthew 5. Mais pour nous libérer de cette loi, de ces anciens commandements. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5. Jennifer will help us to read. Verse 17, chat. Matthieu 5, Vers 17. Es ist nicht meines, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Ne Praise croyez... the Lord. Hallelujah. Okay, you can reach it. Thank you. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. He said, take not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He came to fulfill it because no man can fulfill it. Er kam, um es zu erfüllen. Niemand kann es erfüllen. Il est venu pour l'accomplir parce que personne n'a pas lui pour l'accomplir. Amen. Mm-hmm. No one could fulfill it. Niemand konnte es erfüllen. Personne n'était capable à l'accomplir. Because it must be fulfilled. Denn es muss erfüllt werden. Mais ça doit être accompli. Amen. The law must be fulfilled. Das Gesetz muss erfüllt werden. La loi doit être accomplie. Amen. We need somebody that can help us. Wir brauchen jemanden, because der none of us can fulfill. Niemand kann es erfüllen für uns. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une aide, des personnes qui nous aident à les accomplir, parce que nous de nous-mêmes ne pouvons pas l'accomplir. Amen. Amen. And God Himself came down to fulfill it. Und Gott selbst kam, um es zu erfüllen. Et Dieu lui-même est venu sur terre pour l'accomplir. And now we now depend on Him who fulfilled it. Und jetzt verlassen wir uns auf ihn, der es erfüllt hat. Et maintenant on dépend de lui qui l'a accompli. Praise the Lord. Parce qu'il l'a accompli. Amen. Amen. Only Christ could fulfill it. Nur Christus konnte es erfüllen. Seulement le Christ a pu l'accomplir. Only His blood could pay the price. Nur sein Blut konnte den Preis Seul son sang a pu payer le prix. God's blood. Gottes Blut. Le sang de Dieu. Amen. Amen. Only His blood, God's blood, that could pay the price. Nur sein Blut konnte den no Preis man's bezahlen. Blood could pay it. Mm-hmm. Kein anderes Blut kann dieses kann diesen Preis bezahlen. Seul le sang de Dieu a pu payer le prix. Praise the Lord. Hallelujah. Let me help you to understand the two laws more. Amen. Before we go further. Ich werde euch die John beiden 4. Gesetze noch näher bringen an Johannes 4. Amen. Remember John 4. Oh. Said, God 4. Is spirit. God is Geist. We read it. Amen. Je vais vous aider à encore mieux comprendre les deux lois. On va lire Jean 4 où il est écrit que Dieu est esprit. Is somebody getting it? Mm. The two laws are spirit. Die beiden Gesetze sind Geist. Les deux lois sont esprit. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. Both laws are spiritual. Beide Gesetze sind geistlich. Toutes les deux sont spirituelles. Amen. Amen. Moses, the law that came through Moses, das Gesetz, all the Ten Commandments and all other commandments, they are spiritual. Mm-hmm. Go to Romans 7, please. Das Gesetz, was durch Mose kommt, das sind geistliche Gesetze. Ouais, toutes les lois et les commandements qu'on a reçus à travers Moïse, par exemple, ils sont tous spirituels. Amen. Mm-hmm. Romans 7. Romans 7. Verse 14. Romains 8. Non, 7, pardon. 14. 14. Ah, we definitely. Susie, can you help us shut? Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Amen. But we know that the law is spiritual. Both laws are spiritual. Beide Gesetze sind geistlich. Les deux lois sont spirituelles. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Both came from God. Beide kamen von Gott. Les deux sont venus de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. You know, here he's talking about what we call the natural laws. Hier geht's um das, was wir including Moses' laws. You know, they are natural laws, but they are spiritual. Mm. Auch die Gesetze von Mose, die aber dennoch geistlich sind, obwohl sie natürlich sind. Ici, on parle des lois de la nature et aussi ceux de Moïse, ceux qui sont venus à travers Moïse, malgré qu'ils sont charnels ou naturels, tous les deux sont spirituels parce qu'ils sont venus de l'Éternel. Amen. Amen. Whatever is coming from the Lord, they are spirit. Was immer vom Herrn kommt, ist Geist. Parce que tout ce qui vient de l'Éternel est spirituel. Amen. Amen. We just read in Romans 7, verse 47, but man is carnal. Wir haben gerade in Römer 7 gelesen, dass der Mensch fleischlich ist. Ici dans Romains 7, on voit que l'homme est charnel. Amen. Amen. Man is carnal, man is dead, man is blind, man is powerless. Der Mensch ist fleischlich. Against anything spirit. Er ist blind gegenüber allem, was geistlich ist. Mm. L'homme est charnel, non, donc l'homme est aveugle à tout ce qui est spirituel. Praise the Lord. In 1 Corinthians 15, verse 50. In 15, verse 50. Flesh and blood cannot inherit or do anything in the spiritual world. Flesh and blood können nichts in der geistlichen Welt auswirken. 1 Corinthians 15. Verset 5, on peut voir que la chair ne veut pas hériter ce qui est spirituel. Praise the Lord. Amen.